4. Le département de la justice a mal mené l'enquête et les poursuites dans l'affaire BCCI et mal géré ses relations avec les autres agences officielles au sujet de la BCCI. Les enquêteurs fédéraux de Tampa, qui s'occupaient en 1988 de l'inculpation de la BCCI pour blanchiment d'argent de la drogue, n'ont pas mesuré toute l'importance des informations qu'ils ont reçues à propos des autres crimes de la BCCI, comme par exemple le fait que la banque était secrètement propriétaire de la First American. En conséquence, ces enquêteurs ont négligé de mener eux-mêmes une enquête sur ces allégations ou de faire passer cette partie du dossier au FBI et aux autres agences du département de la justice, qui auraient pu, à partir de ces renseignements, faire les recherches qui s'imposaient. Le département de la justice, ainsi que le service des douanes et le département du trésor, n'ont pas suffisamment aidé les enquêteurs et les procureurs qui travaillaient sur l'affaire de la BCCI en 1988 et 1989. Ce manque de soutien fait partie des circonstances qui poussèrent finalement l'agent responsable de l'opération d'infiltration menée contre la BCCI a démissionné de son poste aux douanes. L'arrangement entre défense et accusation, conclu en 1990 entre la BCCI et le procureur de Tampa, en Floride, a permis à la BCCI de continuer à exister et a eu pour effet de décourager les employés de la BCCI qui auraient pu faire part aux autorités américaines de ce qu'ils savaient sur les activités criminelles de la BCCI à plus grande échelle, y compris le fait que la BCCI était propriétaire de la First American et d'autres banques américaines. Le département de la justice a stoppé son enquête sur la BCCI après cet arrangement, et ce jusqu'au moment où la presse en a reparlé, où la Réserve fédérale a entamé une procédure et où le procureur de l'État de New York a commencé à mener son enquête, ce qui força la main du département au milieu de l'année 1991. Des employés du département de la justice à Washington ont fait pression sur les instances régulatrices d'État pour demander le maintien de la BCCI en opération après l'arrangement de janvier 1990, et ce parce que des anciens employés du département de la justice, devenus employés de la BCCI, avaient fait pression sur eux. La communication entre la justice à Washington et le procureur d'État de Miami, Dexter Letnan, n'a pas fonctionné dans les cas de procès d'affaires liés à la BCCI. Et par conséquent, des étapes essentielles des procédures dans ces affaires ont été retardées, repoussées pendant des mois dans le courant 1991. Des employés du département de la justice à Washington, à Miami et à Tampa ont fait obstruction, bloquant les tentatives de la part du Congrès d'enquêter sur la BCCI en 1990. Ces pratiques ont continué sous une forme ou une autre jusqu'à ce que William P. Barr devienne ministre de la Justice, attorney général, à la fin octobre 1991. Des employés du département de la justice à Washington, à Miami et à Tampa ont fait obstruction en empêchant le procureur général de New York, Robert Morgenthau, d'obtenir des informations cruciales sur la BCCI en 1989, 1990 et 1991. À une certaine occasion, un procureur fédéral a menti au personnel du bureau de Morgenthau à propos de l'existence même de telles informations. Des manquements importants à la coopération entre services ont continué à se produire jusqu'à ce que William P. Barr devienne ministre de la Justice, attorney général, à la fin octobre 1991. Le département de la Justice ne coopéra avec la Réserve fédérale que d'une manière très limitée, et ce jusqu'à la fermeture totale de la BCCI le 5 juillet 1991. Plutôt que de refléter la vérité, certaines des déclarations publiques faites par le département de la justice à propos de ses actions dans les affaires en rapport avec la BCCI sont d'habiles exemples de langue de bois. 5. Monsieur Morgenthau, le procureur de New York, a non seulement fait éclater la vérité dans l'affaire de la BCCI, mais il est aussi indirectement responsable de la fermeture totale de la banque. Robert Morgenthau, procureur de l'État de New York, a ouvert une enquête sur la BCCI en 1989 à partir des renseignements que lui avait procurés le sous-comité, ce qui a concrètement participé à la série d'événements qui ont culminé en la fermeture de la BCCI. Les questions posées par le procureur ont eu pour résultat d'intensifier les vérifications des activités de la BCCI par les auditeurs de la firme, la société Price Waterhouse en Angleterre. Et elles ont aussi insufflé une nouvelle vie à l'enquête quasi moribonde menée par la Réserve fédérale à propos de possession secrète de la First American par la BCCI. L'enquête criminelle du procureur a joué un rôle crucial, mettant fin à la réorganisation de la BCI telle qu'elle avait été prévue selon un accord passé entre la Banque d'Angleterre, le gouvernement d'Abu Dhabi, Price Waterhouse, les auditeurs de la BCCI, et la BCCI même. Réorganisation par laquelle la nature et la mesure exacte des activités criminelles de la BCCI se seraient trouvées effacées, cependant qu'Abu Dhabi engageait ses ressources financières dans le maintien à flot de la banque pour la période de restructuration. En effet, vers la fin du printemps 1991, la nette possibilité que le procureur puisse bientôt procéder à une inculpation a été l'obstacle principal à une restructuration réussie de la BCCI financée par Abu Dhabi. Une inculpation aurait forcément donné lieu immédiatement à une ruée tout à fait justifiée sur la BCCI de la part de tous ses déposants dans le monde entier. Au lieu de ça, son enquête a été un des facteurs décisifs dans la décision prise par la Banque d'Angleterre de se fier aux renseignements communiqués par la firme Price Waterhouse et de fermer la BCCI. 6. Les comptables de la BCCI ont négligé de protéger les créditeurs et clients innocents de la BCCI des conséquences des fautes professionnelles commises dont ils connaissaient l'existence depuis des années. Un des mécanismes importants utilisés par la BCCI pour dissimuler les fraudes commises a été le choix, fait très tôt, de diviser ses opérations d'audit en deux groupes, dont aucun n'avait l'accès complet à toutes les opérations de la banque. Pendant plus d'une dizaine d'années, ni l'un ni l'autre des auditeurs n'a vu aucune objection à cette pratique. La BCCI a accordé des prêts et autres bénéfices financiers à certains de ses auditeurs. Évidemment, le fait que les auditeurs aient accepté ce genre de choses a toute l'apparence de manœuvres illégitimes, puisque cela donne à penser que les opinions et jugements indépendants des auditeurs ont pu être achetés. Au nombre de ces bénéfices accordés par la BCCI, on compte par exemple deux prêts à Price Waterhouse pour l'achat de parts dans des firmes aux Caraïbes. Il est aussi question de la réception par des membres associés de Price Waterhouse d'argent et même de résidences immobilières aux îles Caïmans, ainsi que de faveurs sexuelles obtenues et payées par des officiels de la banque pour certains individus affiliés à la firme d'audit. Au-delà des efforts faits par la BCCI pour camoufler ses activités frauduleuses aux yeux de ses auditeurs externes, un certain nombre de traces datant des premières années d'activité de la banque, celles-là visibles par les auditeurs, auraient pu servir de signal d'alarme. Les auditeurs auraient dû les remarquer et réagir en conséquence. Vers la fin de l'année 1987, puisque la firme Price Waterhouse Royaume-Uni était consciente des défauts des livres de compte de la BCCI, elle avait à sa disposition les éléments nécessaires pour conclure qu'il n'existait aucune base solide qui lui permette de certifier que son examen des comptes et des archives lui avait donné un reflet fidèle et objectif de l'état des finances de la BCCI. Le fait qu'à partir du 31 décembre 1987, les auditeurs de la BCCI donnèrent leur assurance, renouvelée par la suite, qu'ils avaient formé une image fidèle et objective des livres de compte de la banque, eut pour effet d'aider la BCCI à fourvoyer ses clients, ainsi que les instances régulatrices, les institutions financières et enfin les enquêteurs qui se sont penchés sur l'état véritable des finances de la BCCI. Pricewaterhouse, Royaume-Uni, avait eu vent avant 1990 d'irrégularités dans la gestion de prêts faits par la BCCI à la CCAH First American, et avait été informé que des infractions aux lois bancaires américaines avaient été commises par des emprunteurs connectés à la CCAH First American. Malgré cela, la firme anglaise n'a pas prévenu les membres associés de sa filiale américaine ni aucune autorité bancaire des États-Unis. Il n'existe aujourd'hui toujours pas de preuve que Pricewaterhouse Royaume-Uni ait jamais notifié Pricewaterhouse États-Unis de l'étendue des problèmes découverts à la BCCI ou de la propriété secrète de la CCAH First American par la BCCI. Étant donné le peu de renseignements qui ont été transmis à Pricewaterhouse États-Unis par la filiale anglaise, on peut dire que la firme américaine a effectué son audit des succursales américaines de la BCCI de façon tout à fait professionnelle et diligente, bien que cela n'ait pas fait beaucoup de lumière sur les véritables activités de la dite banque aux États-Unis. La certification conforme accordée aux archives et livres de compte de la BCCI par Pricewaterhouse Royaume-Uni en avril 1990 avait été clairement faite à la condition qu'Abu Dhabi aide la BCCI à combler ses pertes financières, tandis que la Banque d'Angleterre, Abu Dhabi et la BCCI travaillaient avec les auditeurs à une restructuration de la banque pour éviter qu'elle ne s'effondre. Pricewaterhouse n'aurait pas accordé sa certification si la Banque d'Angleterre n'avait assuré à la firme d'audit que la certification des livres de la BCCI était légitime et même indispensable à la survie de la banque. C'est à cause de cet accord d'avril 1990 passé entre Pricewaterhouse Royaume-Uni, Abu Dhabi, la BCCI et la Banque d'Angleterre que Pricewaterhouse Royaume-Uni certifia les comptes et ne mentionna les pertes énormes de la BCCI que dans une note de bas de page, omettant d'en décrire toute l'importance. En conséquence de quoi, la certification accordée était par nature trompeuse pour qui s'appuyait sur ses conclusions, c'est-à-dire pour tous ceux qui ignoraient les faits véritables dont la BCCI, Abu Dhabi, Pricewaterhouse Royaume-Uni et la Banque d'Angleterre avaient connaissance. La décision prise ensemble par ces entités de réorganiser la BCCI au cours des années 1990 et 1991, plutôt que de rendre publics les faits à leur connaissance, a causé des torts sérieux aux déposants et clients innocents de la BCCI, qui ont continué, dans leur ignorance, à faire des affaires avec une institution dont chacune de ces entités savait qu'elle s'était rendue coupable de fraude. Entre les mois d'avril et novembre 1990, le gouvernement d'Abu Dhabi savait que la BCCI s'était rendue coupable de fraude et autres crimes, et il n'a pas divulgué cette information aux auditeurs externes de la banque. Ce faisant, il a contribué à repousser la fermeture totale de la BCCI et contribué aux torts supplémentaires causés aux clients et déposants innocents de la BCCI.